Vous êtes sur Radio Campus 106,6, l'émission Soigne ta gauche. Vous écoutez Angle d'attaque. Cette émission a été enregistrée le 9 février. Bonsoir à toutes et à tous. Au programme aujourd'hui, nous poursuivons notre investigation dans les grandes questions de la campagne électorale présidentielle. Après le rôle des banques et de la finance dans la société, ce que nous avons vu en janvier, nous nous penchons aujourd'hui sur la question du nucléaire. On en parle déjà moins qu'il y a 2 ou 3 mois, quand cette question était au cœur du débat entre les socialistes et primaires. Et on en parle encore moins, effectivement, avec cette catastrophe de Fukushima, mais qui est au cœur de toutes les réflexions aujourd'hui sur le nucléaire. Et puis maintenant, dans l'actualité récente, vient d'arriver le rapport de M. Migaud de la Cour des comptes, rapport au Premier ministre, qui porte un nom tout à fait sexy, puisqu'il s'agit du coût de la filière électronucléaire. Donc le nucléaire, thème central aujourd'hui, avec la question bien sûr de la transition énergétique. À part ça, eh bien, la campagne bat son plein. Un ministre totalement inculte nous dit que toutes les civilisations ne se valent pas. Une ministre idiote s'en prend au physique d'une candidate aux élections. Et le président fait son cadeau, un cadeau d'adieu, peut-être, au patron en faisant passer la diminution des charges patronales de 22 à 35 milliards, grâce à la géniale TVA sociale. Et puis, il y a du grave et du sérieux dans l'actualité récente. Un inspecteur du travail s'est pendu. Et c'est clair, pour ses collègues qui défendent sa mémoire, il s'est pendu à cause des conditions de travail. Et nous soutenons bien sûr à Attac cette mobilisation. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler l'adresse que nous a fournie Didier Delinotte lors de sa venue ici, l'Observatoire de la souffrance au travail, OSAT-solidaire5962, solidaire avec un S.org. Voilà, difficile transition, René, mais ça devait être dit. Donc, un petit point donc, sur l'actualité d'Attac. Tout d'abord, au plan national. Un film est en préparation concernant la journée des alternatives du 15 janvier dernier, leur dette, notre démocratie, que j'avais évoquée lors de notre précédente émission, et qui a connu un indéniable succès. Des vidéos sont déjà disponibles sur le site d'Attac France. La préparation du FAM, Forum Alternatif Mondial de l'Eau, du 9 au 18 mars à Marseille, et de Rio plus 20, donc ça c'est en juin à Rio de Janeiro, se poursuit. Au plan local, les assises citoyennes. Une seconde réunion s'est tenue le 2 février à Lambresse. Il a été décidé d'étendre la liste de nos partenaires en contactant d'autres associations militantes et d'étendre également la liste à des collectifs, syndicats, proches de nos convictions. Oui, René, je viens d'ailleurs d'apprendre que le CCFD a rejoint les assises citoyennes et sera bien présent le 17 mars à la MEP. A été abordée également l'organisation de la journée du samedi 17 mars, prévue de 14h à 18h à la MEP et intitulée « Sortir du piège de la dette ». Elle comportera 3 tables rondes sur les thèmes « Similitudes, dette du Nord et dette du Sud », l'impact de la crise sur les plus fragiles et comment sortir du piège. Et puis, tu reviens sur le collectif de l'eau, René ? Le collectif pour un retour en régie publique de l'eau. Une réunion se tient ce soir même à Lambresse. Une journée d'action est prévue le mardi 28 février. Accueil de la caravane de l'eau du FAM, qui se rend de Dunkerque à Marseille, je précise, de 14h à 17h30. Rassemblement devant le siège de la communauté urbaine de Lille, avec exposition, information sur le FAM, réception des doléances, pétition du collectif Eau. Ensuite, une conférence débat de 18h à 19h à la MEP ou à la Halle au Sucre, j'ai pas encore eu de certitude à ce sujet, où seront abordés les enjeux du FAM, les propositions et doléances, le retour en régie publique, avec pour intervenant François Cossera, Christian Pellicani, Jean-Luc Touly sous réserve. Également des intervenants locaux, Pierre-Yves Pira et Christian Muis. Ok, merci René. On va passer à une pause musicale. « Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question de travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire des expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombe, je sais pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'a qu'un rayon d'action de 3 m 50. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il avalait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, la tonton qui soupire et qui nous fait comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagnotte était aussi pratique. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les enfermit en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé de tous ses personnages, il n'en est rien resté. Tonton devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu quand mon âme et conscience. En détruisant tout ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élut immédiatement chef du gouvernement. On ne pouvait pas avoir mieux que la Java des bombes atomiques pour introduire le thème de ce soir. Donc le nucléaire, et pour parler du nucléaire, nous nous sommes mis à pas moins de 5. Antoine va nous rappeler que le nucléaire a commencé sa carrière dans les armées des civilisations développées. Germain va nous dire tout le mal qu'il pense du nucléaire pour la santé. René va parler du nucléaire civil, sa vie, son œuvre, et puis de ce rapport qui vient de tomber sur le nucléaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais nous, on sait que le nucléaire a des alternatives. On va en sortir du nucléaire dans le Nord-Pas-de-Calais, on va s'en sortir sans Gravelines, c'est Simon qui va s'y coller. Eh bien Antoine, tu as un invité je crois. Dans les années 50, la guerre froide crée un monde bipolaire entre l'URSS et les États-Unis. La France d'alors décide d'être souveraine et indépendante dans le domaine des armes de dissuasion en cas de conflit majeur. C'est ainsi que le premier essai nucléaire français est effectué en 1960 sous la présidence de Charles de Gaulle à Reagan, au centre du Sahara algérien. Déjà, le rapport annuel du Commissariat d'énergie atomique montre l'existence d'une zone contaminée de 150 km de long environ. C'est pourquoi la France abandonne les essais aériens à la faveur d'essais souterrains moins peu loin, à Inker, près de Tamanrasset, d'abord en 1961, puis l'année suivante, date à laquelle un nuage radioactif s'échappe tout de même de la galerie de tir. Alors que l'Algérie est indépendante depuis le 1er juillet 1962, d'autres tirs se succèdent jusqu'en février 1966. Cependant, les accords d'Évian prévoit que la France doit abandonner ses expériences au Sahara, totalisant 17 essais nucléaires. En juillet 1966 a donc lieu le premier essai nucléaire aérien sur l'atoll de Muroa en Polynésie française, au milieu du Pacifique Sud. Puis, 2 ans plus tard, le premier essai d'une bombe H sur l'atoll de Fangatofa. En tout, 46 essais nucléaires aériens menés par le Centre d'expérimentation du Pacifique, jusqu'à ce qu'en juillet 1974, un nuage radioactif touche l'île de Tahiti, éloignée de 1000 km du site de tir. De 1975 à 1996, 146 essais nucléaires souterrains sont alors réalisés sous les lagons des atolls de Muroa et de Fangatofa, fragmentant le corail et la roche. Suite à la signature en 1996 du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, la France s'engage à ne plus jamais réaliser d'autres essais nucléaires qui sont désormais effectués à l'aide de simulations ainsi que d'expériences de fission et de fusion à très petite échelle. Au total, ce sont 210 essais nucléaires français du 13 février 1960 au Sahara algérien jusqu'au 27 janvier 1996 en Polynésie française auxquels ont participé 150 000 personnes, civiles et militaires, réparties sur ces longues 36 années. Parmi ces derniers, beaucoup étaient de jeunes soldats appelés du contingent, dont personnellement j'ai fait partie, obligé d'effectuer mon service militaire il y a plus de 20 ans. Tandis que des maladies dues aux radiations nucléaires handicapent et tuent anciens militaires et civils, se crée en 2001 l'Association des vétérans des essais nucléaires français, aven.org sur Internet. Fort de 5000 membres, cet organisme s'est fixé comme objectif de combattre le négationnisme de l'État français par rapport aux conséquences des essais nucléaires sur les personnels et les populations exposées lors de ces explosions atomiques tant en Algérie qu'en Polynésie. En effet, aux différentes formes de cancer, leucémie, lymphome et autres pathologies, s'ajoutent fausses couches, malformations, stérilité et autres maladies congénitales. Bonjour Patrice Bouvray de l'Observatoire des armements à Lyon que nous avons en ligne. Comment les faire reconnaître auprès de l'État français ? Bonjour. Eh ben, pour pouvoir arriver à ce que l'État reconnaisse que ces essais n'étaient pas propres, il y a eu bien sûr tout le combat que vous avez cité en parlant de la création des associations en France, en métropole et en Polynésie française. Et puis surtout, il y a eu tout un travail auprès des parlementaires qui ont déposé pas moins de 18 propositions de loi avant que le gouvernement soit contraint à lui faire un projet de loi. Le projet de loi donc Morin qui a été adopté et rendu public début 2010, mais qui en même temps verrouille complètement toute la possibilité pour les personnes, pour les victimes, pour les personnes malades, de pouvoir bénéficier d'une indemnisation. Puisqu'à ce jour, il y a eu environ à peu près plus de 600 dossiers qui ont été déposés auprès d'une commission donc chargée d'examiner au cas par cas les maladies rencontrées par les vétérans, et seulement 2 personnes ont été indemnisées par le biais de la loi. Donc ce qui montre qu'effectivement que le système est complètement verrouillé et que le gouvernement ne veut pas reconnaître qu'il y a pu avoir des problèmes avec les essais. Oui, je crois qu'il y a eu une décision récente du président Sarkozy. Le président Sarkozy a récemment annoncé que justement face à ce blocage et face à l'interpellation par les associations et les parlementaires, qu'il fallait modifier le décret d'application. Mais bon, là encore, on va avoir un effet de manche, parce qu'on est en période électorale, où on va rajouter à la liste des 18 maladies reconnues, une ou deux maladies, on va élargir un petit peu les zones sur lesquelles les personnes devaient être pour pouvoir bénéficier d'une indemnisation, mais on va pas changer la méthode de calcul. Et c'est cette méthode de calcul qui bloque et qui permet à l'armée de refuser toutes les demandes d'indemnisation qui sont posées. D'accord. Et que devient l'ancien site de tir sur l'atoll de Mururoa ? Alors l'ancien, c'est bien là aussi un des problèmes importants, puisque la loi Morin ne pose que les problèmes de conséquences sanitaires, mais ne pose pas les problèmes des conséquences environnementales. Et si on prend uniquement par rapport à l'atoll de Mururoa donc, et de Fangatofa, où se sont déroulés les principaux essais nucléaires français, pour le moment, le gouvernement bloque toute possibilité, je dirais, que des expertises indépendantes puissent avoir lieu et donc qu'on puisse permettre de savoir ce qui s'est réellement passé. Là, pour le moment, on n'a que les comptes rendus donnés par l'armée, puisque c'est encore une base militaire considérée comme une base militaire secrète et donc personne ne peut y aller. Avec le risque quand même, avec tous les trous qui ont été faits par les essais, que cet atoll est complètement ébranlé et pourrait s'effondrer. Et le jour où il s'effondre, bien évidemment, ça va libérer tout un tas de radioactivité qui est enfermée par les essais, qui va se libérer dans le Pacifique, donc et atteindre ben, les poissons et donc la chaîne alimentaire. Et puis aussi, au moment où il va s'effondrer, ça risque de créer un tsunami qui va balayer les îles les plus proches où il y a des habitants, et notamment l'île de Touréa, qui est à quelques centaines de kilomètres, qui pourrait être balayée par ce tsunami, avec bien évidemment les habitants qui sont dessus. Mais l'atoll va rester, comment dirais-je, sous gouvernance de la France, où il y a un projet de rétrocession au gouvernement polynésien? Actuellement, il y a eu donc le 18 janvier dernier, sur proposition du sénateur polynésien Richard Tuiéva, une proposition de loi qui a été débattue et adoptée par le Sénat, qui vise effectivement à la rétrocession des atolls, comme c'était prévu à l'origine, dans les années 60, quand les atolls ont été accaparés par l'armée, qui soient rétrocédés au territoire polynésien. Mais de toute façon, c'est l'armée qui garderait le contrôle et la surveillance des problèmes radioactifs sur cet atoll. L'avantage de cette rétrocession, c'est que le gouvernement français serait obligé d'associer le gouvernement polynésien et les autorités de la Polynésie, c'est-à-dire l'Assemblée territoriale et donc le gouvernement, à ce qui se passe actuellement sur cet atoll-là. Et donc aux mesures de prévention qui pourraient être prises, à la surveillance de la radioactivité, etc. Parce que pour le moment, les Polynésiens sont complètement exclus de tout le processus, effectivement, de surveillance de la radioactivité sur leur région, alors qu'ils sont les premiers chefs concernés. Mais c'est un peu un cadeau empoisonné. Oui, tout à fait. Mais en même temps, à partir du moment où là, les mesures, par exemple, qui sont prises de la radioactivité ou les mesures prises par rapport au risque d'effondrement vont directement à Paris, mais les Polynésiens qui habitent à côté et qui seront les premiers concernés si ça s'effondre ne sont pas du tout tenus au courant, ou si ce n'est 2 ans après dans des rapports publiés par le gouvernement français. Mais 2 ans après, la radioactivité, elle a le temps de faire des dégâts. Oui, centralisme français oblige, c'est ça. Oui, avec le problème qu'il y a quand même un début d'autonomie pour cette région et qu'on est quand même très éloigné de la capitale. Oui, 18 000 kilomètres. Et donc, ça rend les choses quand même un petit peu différentes et que les Polynésiens n'ont pas demandé à avoir les essais chez eux. On leur a imposé. Et le gouvernement français leur a imposé sans tenir compte de leur avis parce qu'ils étaient opposés. Il y a eu des responsables politiques à l'époque, après la fin de la guerre, au moment des années 60, qui ont refusé, qui ont même fait de la prison parce qu'ils avaient refusé de céder le territoire pour qu'on vienne faire des essais chez eux. Écoutez, merci beaucoup de toutes ces précisions, Patrice, et de votre contribution de spécialiste à notre émission. Merci. Au revoir. Au revoir. Ok, bien intéressant interview, vivant, et puis quelqu'un au téléphone qui savait de quoi il parlait, c'est le moins qu'on puisse dire. Germain, on va parler de la santé, je crois. Ouais, mais avant de commencer, vous connaissez la différence entre une irradiation et une contamination ? Tu rigoles ? Non. L'irradiation ressemblerait un peu à un flash d'appareil photo pris en pleine figure. Ça vous éblouit et l'image reste affichée plusieurs minutes, mais ça passe. Le corps est capable de s'en remettre. Si vous avez regardé le soleil dans les yeux, vous aurez des séquelles. Ça, c'est l'irradiation. Ce ne sont que des rayons. La contamination, c'est plus grave. Cette fois-ci, c'est comme si vous avaliez une ampoule incandescente. Elle va briller dans tout votre corps et pas moyen de la faire partir. Vous allez recevoir une dose de lumière en permanence et elle ira peut-être se fixer dans certains organes. C'est ça la contamination. C'est des atomes piégés par le corps. Et c'est grave ? Toute une question de dosage, bien entendu. Une faible contamination à l'iode peut avoir moins de conséquences qu'une lourde irradiation par des rayons. Mais en général, la contamination va vous suivre, alors que les dégâts de l'irradiation vont se réparer. Les effets des rayonnements ionisants sur la santé sont établis à partir de cas d'exposition connus. Des victimes de guerre, donc Hiroshima ou les munitions en uranium appauvri. Des cobayes, lors des premiers essais. Des accidents de centrales, Tchernobyl, Fukushima, etc. Des incidents, fuites, erreurs humaines. Ou des irradiations régulières à proximité de centrales. Toutes ces sources s'ajoutent à la radioactivité naturelle. Même sur les personnes exposées, les effets ne sont pas tous bien connus. Il faut parfois plusieurs décennies pour établir le lien statistique entre l'exposition au rayonnement et la pathologie. Il est établi que le corps peut supporter certaines doses, variables selon son poids. Après Fukushima, on a beaucoup entendu parler des mesures en sieverts, vous vous souvenez ? Cette unité évalue l'impact sur les êtres vivants, la dose acceptable dépendante du poids. Si vous cherchez sieverts sur Wikipédia, vous trouverez un graphique comparatif des doses émises dans plusieurs circonstances. Radio dentaire, vol transatlantique, balade à Tchernobyl, c'est très instructif. Par exemple, manger une banane serait plus grave que d'habiter près d'une centrale pendant un an. La réserve est de mise sur cette information, bien sûr. L'usage du nucléaire est souvent vu selon le rapport bénéfice-risque. Mais cela n'est qu'un outil de mesure qui ramène à faire un choix. Un choix qui est un combo politique, comme aux citoyens. Si on arrête, si on continue, quel en sera le coût humain ? Qu'allons-nous encore découvrir ? Eh bien oui, c'est sympa, merci. Il nous a complètement plombé le moral. Voilà, on va passer au nucléaire civil. Je crois que c'est René qui va nous en parler. Comme l'a montré Antoine, le nucléaire fut au départ une affaire militaire. Les premières centrales nucléaires civiles entrent en service au milieu des années 50, en URSS, en Grande-Bretagne, aux USA. La première centrale civile française, Chinon 1, entre en service en 1964. De 1960 à la fin des années 80, la puissance installée au niveau mondial passe de 1 gigawatt à 300 gigawatts. Ensuite, la capacité nucléaire mondiale a augmenté beaucoup plus lentement. Depuis 2006, la demande est repartie, essentiellement portée par la Chine, où 24 centrales sont en construction en 2010. Quelles sont les raisons de ce ralentissement ? Les coûts économiques croissants, dus aux durées de construction de plus en plus longues, la baisse du coût des combustibles fossiles à la fin des années 80 et dans les années 90, la prise de conscience grandissante dans l'opinion publique des dangers du nucléaire, notamment après Three Mile Island et surtout Tchernobyl. Mais est-ce qu'on peut parler d'un avant et d'un après Tchernobyl ? La catastrophe de Tchernobyl a conduit à des moratoires dans plusieurs États et à l'abandon de nombreux projets. Et d'un avant après Fukushima aussi ? On le voit avec la décision d'Angela Merkel, fermeture de toutes les centrales allemandes pour 2022, mais la Chine, l'Italie et la Suisse ont également décidé de geler leurs nouvelles autorisations de construction. Pourtant, la fin de la décennie 2000-2010 s'est caractérisée par un regain d'intérêt pour le nucléaire. Alors, tiré par les grands pays émergents, dont la Chine, mais aussi par la raréfaction et la flambée des prix des hydrocarbures, et le problème des gaz à effet de serre, ce qui donnait des arguments aux promoteurs du nucléaire. Bon, vous me tournez la tête, les gars, on va se reposer un peu avec une pause musicale. Thank you. bien Massoud et les rêves qu'on a faits d'amour et de paix. God bless America, God bless America. Sous les ruines d'un dieu, on se souvient Massoud et les rêves de liberté, d'amour et de paix. God bless America, God bless America. Sur 106,6 et vous écoutez Globe d'Attaque. Antoine, tu as une question à poser à René. Oui, dans les années 50 et 60, le nucléaire était la panacée, l'énergie de l'avenir. Dans ces années-là, le nucléaire apparaissait effectivement comme sûr, propre, quasi inépuisable et bon marché. On est loin du compte. Et concernant les ressources en combustible, sont-elles limitées ? Une phrase dans un ouvrage de vulgarisation scientifique que j'ai lu quand j'étais jeune. Une livre d'uranium équivaut en énergie à un train de charbon. Les réserves exploitables de charbon et d'hydrocarbures se chiffrent en centaines de milliards de tonnes. Les réserves exploitables d'uranium sont estimées au 1er janvier 2009 à 5 400 000 tonnes. Deux scénarios envisagés, datant de 2007, laissent entrevoir que le nucléaire connaîtra des problèmes d'approvisionnement dès 2030-2040, dans le meilleur des cas. 2030-2040, c'est dans une vingtaine d'années. Autrement dit, le nucléaire ne pourra pas prendre le relais des hydrocarbures. Le nucléaire est-il une énergie propre ? L'énergie nucléaire n'émet pas de CO2, mais les centrales, même en fonctionnement normal, rejette de la radioactivité dans l'air et dans l'eau. Les déchets, actifs pendant des dizaines de milliers d'années pour certains, leur gestion est ingérable. Les mines d'uranium produisent des quantités considérables de gaz à effet de serre. À ceci, il faut ajouter des pollutions chimiques dues aux acides, aux métaux lourds, utilisés dans l'affinage de l'uranium, et la pollution thermique, c'est-à-dire le réchauffement des eaux fluviales ou marines utilisées pour le refroidissement. Sans parler des conséquences sur les êtres humains qui sont à l'exploitation de l'uranium. Tout à fait, Christian. En France, dans les années 70, les politiques de l'époque nous ont présenté le choix du nucléaire comme la meilleure des solutions. Que peut-on en dire maintenant ? On parlait beaucoup d'indépendance énergétique à l'époque. Alors sur ce plan-là, la France ne produit plus d'uranium depuis 2001, donc elle importe la totalité. Et un moment exportatrice d'électricité, la France en importe maintenant une quantité grandissante des pays voisins, du fait du vieillissement de son parc de réacteurs, mais aussi du fait du manque de souplesse de la technologie, qui ne permet pas une adaptation aux variations de la demande, c'est-à-dire les pics de consommation ou les heures creuses la nuit. Mais que nous cache-t-on à propos des coûts du nucléaire ? L'électricité nucléaire en France n'est bon marché qu'en apparence. Les tarifs réglementés, dus au monopole public, sont appelés à disparaître avec la libéralisation du marché de l'électricité au niveau de l'Europe. La filière nucléaire française a été largement financée par le contribuable, 188 milliards d'euros depuis 1945. Les dépenses annuelles de maintenance sur les 58 réacteurs existants ne cessent de croître. 580 millions d'euros en 2003, et pour la période 2011-2025, on sait que ce sera 3,7 milliards d'euros par an, auxquels s'ajouteront 80 milliards d'euros de charges futures incertaines, comme le démantèlement des anciennes centrales, la gestion du combustible usé et des déchets à long terme. On peut ajouter le coût de plus en plus élevé du réacteur EPR de Flamanville, premier de la série qui devait remplacer les réacteurs les plus anciens. Oui, et puis on peut ajouter quelque chose qui nous vient du tout dernier rapport de Didier Migaud, membre de la Cour des comptes, rapport qui a été remis au Premier ministre. Et il dit une chose assez grave, en fait, Migaud, il dit qu'on n'agit pas. Et qu'en fait, il a cette phrase terrible, ne pas prendre de décision revient à prendre une décision qui engage l'avenir. Ce qui signifie qu'on laisse un peu les choses en l'état et on va s'engager sur des dépenses de plus en plus élevées. Et c'est bien les dépenses cachées, c'est la réponse à la question d'Antoine tout à l'heure. Bon, on va faire une pause musicale et on va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus sympathique et de plus positif. On va parler avec Simon des énergies renouvelables et de la transition dans le Nord-Pas-de-Calais. Kojima, aime l'environnement, elle fait des dons une fois par an. La Kojima aime l'environnement, elle fait des dons. La Kojima aime l'environnement, elle fait des dons une fois par an. La Kojima aime l'environnement, elle fait des dons. Ça commence par un C. Et dis-moi Kojima, est-ce que tu les vois? Est-ce que tu les vois, les enfants de là-bas? Moi je pense que oui, que la vie est bien loin de tes profits, et que tout notre inconscient reviendra en un coup de vent sur la gueule de nos enfants. Adolphe nucléaire, tu tiens par les couilles, mais pète qu'un four solaire ira cuire ma tambouille. En attendant, je gamberge, moi je veux que ma terre se relève, et toi t'auras ton procès quand on sera tous irradiés. Mais dis-moi Kojima, qu'est-ce que tu feras quand pour le présent y aura plus de temps? La Kojima aime vos enfants, elle fait des dons. On a un invité, un deuxième invité ce soir, sur 106,6, c'est Simon. Simon, c'est Virage Énergie, qui va nous expliquer qu'est bien dans le Nord-Pas-de-Calais, on peut se passer de gravelines. C'est bien vrai, ça ? Oui, je peux vous parler effectivement de l'étude qu'on a réalisée il y a un peu plus de 4 ans maintenant au sein de Virage Énergie. Je peux vous présenter effectivement la partie sur l'électricité qui vous intéresse particulièrement ce soir. Déjà, il faut faire un premier constat, c'est que l'électricité dans notre système énergétique et surtout en France, on a l'impression que énergie égale nucléaire égale électricité. Or, l'électricité, c'est 20% de notre consommation énergétique. Donc, c'est 20% du problème sur tout ce qui est réchauffement climatique et énergie. Néanmoins, si on regarde ce problème de l'électricité, et en particulier dans le Nord-Pas-de-Calais, vous le savez, dans le Nord-Pas-de-Calais, on a un côté industriel très important. Et si on regarde les consommations électriques de la région, les deux tiers sont des consommations électriques industrielles. Donc, au sein de Virage Énergie, on a essayé de regarder un peu ce point d'un peu plus près. Et on se rend compte qu'en fait, 70% des consommations énergétiques de l'industrie, c'est pour faire tourner des moteurs qui entraînent des pompes, des ventilateurs, etc. Et en regardant d'un peu plus près des études réalisées un peu partout en Europe et dans le monde, on se rend compte qu'il y a des potentiels énormes de gains sur ces usages-là, notamment en améliorant les machines et les procédures de commande et aussi en améliorant les moteurs. Et il y a un gain de 40% qui est possible à moyen terme. Donc, vous voyez des gains très importants d'économie d'énergie. Oui, je voulais te dire un mot. Mais, ouais. Vous êtes tous qualifiés dans le domaine. Alors, présente-nous un peu Virage Énergie. Ouais, alors, effectivement, j'aurais dû commencer par ça. Virage Énergie, c'est un groupe de citoyens et on s'est auto-formé sur le problème. Alors, on avait certaines différentes compétences. Moi-même, j'étais ingénieur dans le secteur de l'énergie, mais d'autres étaient urbanistes, géographes, professeurs. On avait des profils assez divers et l'expérience est assez intéressante puisque on s'est vraiment tous un peu auto-formé et plusieurs d'entre nous avons après eu un parcours professionnel qui a évolué grâce à cette montée en compétences. Et on a envie aujourd'hui d'utiliser un peu l'association pour faire plus de l'éducation populaire et de monter en compétences les citoyens de la région sur ces questions d'énergie. Et ça va être sans doute le projet des futures années de Virage Énergie. Ah, très bien, on suivra de près. Nous aussi, comme organisme d'éducation populaire, on est vraiment ensemble sur ce coup-là. Donc pour reprendre, effectivement, par rapport à la transition énergétique, le premier levier, c'est vraiment l'économie d'énergie. J'ai parlé du secteur industriel, qui est vraiment le secteur principal dans la région Nord-Pas-de-Calais, mais qui est une spécificité vraiment locale. On peut parler des autres secteurs, comme le secteur résidentiel ou tertiaire. Et donc là, on se rend compte qu'il y a une spécificité du coup qui est nationale, française, c'est le chauffage électrique. Alors, on parlait du fabuleux développement du nucléaire en France qui devait permettre de résoudre tous les problèmes. On s'est dit que c'était tellement une énergie illimitée qu'on pouvait développer n'importe quel usage de l'électricité. De toute façon, EDF nous alimenterait avec centrale électrique. Sauf qu'aujourd'hui, on construit encore 60 à 70% des logements avec des chauffages électriques résistance. Et maintenant, tous les hivers, on nous fait la peur de la vague de froid et on nous dit « faites attention, on risque des coupures d'électricité chaque hiver » alors qu'on a soi-disant la meilleure technologie au monde du système électrique. Vous avez fait des graphiques plein les journaux en ce moment. Voilà, et ça fait déjà plusieurs années qu'on nous le dit. Donc voilà, ça c'est vraiment une spécificité française. Évidemment, dans l'étude qu'on a menée sur la projection dans les 40 prochaines années, c'est tout d'abord l'arrêt de construction de logements et de bâtiments tertiaires avec du chauffage électrique. Et en parallèle, une rénovation du parc actuel, donc à la fois isolation, parce qu'évidemment, on disait faites du chauffage électrique, mais en plus, vu qu'on a de l'électricité nucléaire, autant qu'on veut, n'isolez pas trop les bâtiments, ça ne sert à rien. Donc on a un parc de bâtiments qui est aussi très mal isolé. Et donc il y a un chantier colossal de rénovation, donc d'isoler les logements et ensuite de trouver les énergies alternatives et renouvelables pour chauffer ces logements. Mais pour l'instant, tu nous dis qu'on dépense trop. On dépense trop. On va d'abord réduire très très fortement notre consommation d'énergie. Je prends un dernier exemple qui est ce qu'on appelle l'électricité spécifique. L'électricité spécifique, c'est l'électricité qu'on consomme chez soi en dehors de tout ce qui est chauffage, chauffe-eau électrique et cuisson. Donc c'est tous les usages qui sont éclairage, appareils électroménagers, ordinateurs, télévision, etc. Il y a une étude comparative qui a été faite par l'association Global Chance cette année, comparative France Nucléaire, qui montre qu'en Allemagne, l'électricité spécifique par habitant est inférieure de 30% à la France. C'est-à-dire qu'un Allemand moyen consomme 30% d'électricité en moins qu'un Français sur tout ce qui est éclairage, télévision, etc. Et en regardant un peu l'étude, on se rend compte que ce n'est pas forcément qu'ils sont moins équipés en appareils électriques qu'en France, mais c'est qu'ils sont plus économes, ils ont des matériels qui sont plus performants. Et ils font plus attention à leur usage, ils coupent les veilles, etc. Alors, pourquoi ? Notamment parce qu'il y a eu quand même un programme. Ce décrochage s'est fait parce qu'il y a 20 ans, on avait les mêmes niveaux de consommation. Il y avait vraiment une politique allemande et qui a fait que les Allemands ont dit « Attention, on va augmenter les prix de l'électricité progressivement en mettant des taxes dessus. » Et donc, les Allemands ont fait attention à leur consommation. Ils ont développé leurs économies à la fois sur deux axes, la sobriété énergétique et l'efficacité énergétique des appareils. Même si c'est vrai que cette approche sobriété, alors je peux peut-être dire deux mots, sobriété qui est évidemment réduire tout ce qui est gaspillage, donc réfléchir à quels sont réellement nos besoins qui doivent être satisfaits par de l'énergie. Hein. Est-ce qu'on doit éclairer les vitrines des magasins la nuit? Est-ce qu'on doit chauffer nos pièces à 25 degrés en hiver, etc. Et on essaye de différencier ça de l'efficacité qui, effectivement, une fois qu'on a défini de satisfaire un besoin, comment le satisfaire avec le moins d'énergie possible. Donc avoir un bâtiment bien isolé, avoir une voiture performante, etc. Donc là, effectivement, alors sur ce cas de l'électricité spécifique, on ne s'est pas rendu compte, par contre, que les Allemands ont forcément moins de téléviseurs que les Français, ce qui pourrait être une mesure de sobriété à envisager. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir trois télés chez soi, dont une qui est allumée en permanence alors qu'on ne la regarde pas? Ça, ce serait une vraie mesure de sobriété. Oui. J'ai tendance à croire que dans un habitat, c'est plus donc le chauffage et puis les gros appareils type machine à laver, sèche-linge, etc., qui sont les plus consommateurs. Pourquoi revenir précisément sur les appareils de Hi-Fi qui sont peut-être plus de second ordre ? Alors, c'est vrai qu'en France, le chauffage électrique est un poste important, mais sur la consommation résidentielle totale, c'est pas le plus gros poste, parce que tous les logements ne sont pas au chauffage électrique. Donc si on fait une moyenne au niveau des Français, même avec un parc de chauffage électrique développé, c'est pas le plus gros usage. Bon. Par contre, c'est vrai qu'après, tout ce qui est machine à laver, etc., consomme de l'électricité. On a tendance quand même à pointer du doigt ce phénomène, parce que si on regarde les 10 à 20 dernières années, c'est ce poste-là de d'électricité spécifique, avec en particulier le développement de ces nouvelles technologies, les box internet, les multiplications des écrans, les écrans plasma, etc., qui fait une explosion de la consommation électrique. Donc c'est important de pointer ce doigt-là. Si on ne fait pas attention, on va avoir des consommations. Vous voyez les écrans de publicité dans les gares, etc., dans les magasins maintenant. Si on n'y fait pas attention, dans quelques années, on va avoir une consommation énorme d'électricité à cause de ces usages-là. Ok, bon, on poursuit sur l'énergie renouvelable alors, du coup. Alors voilà, une fois qu'on a fait le tour de réduction de tous ces usages, on peut commencer effectivement à réfléchir à les alimenter avec une énergie alternative et renouvelable. Donc au sein de Virage Énergie, on a essayé de s'appuyer sur les potentiels régionaux. Et quand on regarde comment produire de l'électricité dans le Pas-de-Calais, on se rend compte que la région a le deuxième potentiel de vent de France, sachant que la France est une région très bien ventée, hein, c'est le deuxième pays le plus venté après le Royaume-Uni en Europe. Et donc on a estimé effectivement un fort potentiel de développement éolien, à la fois à terre, mais aussi ce qu'on appelle offshore, le long des côtes. Et aussi un troisième type d'éolien qu'on a imaginé, c'est du offshore mutualisé avec d'autres pays ou régions européennes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, on n'est pas trop au courant, mais il y a un très gros chantier en mer du Nord de développement d'éoliennes offshore. Les Anglais ont déjà largement commencé. Et il y a un potentiel très très important avec des vents bien supérieurs et bien plus réguliers que sur nos terres. Donc vraiment s'appuyer sur cet axe fort du développement de l'éolien et puis aussi en parallèle développement du solaire, du photovoltaïque. C'est pas parce qu'on est dans le Nord qu'on n'a pas de soleil. On s'est amusé à faire un petit calcul qu'on présente souvent. Si on regarde l'énergie solaire qui vient frapper notre territoire du Nord-Pas-de-Calais en une journée d'ensoleillement moyen, donc c'est une moyenne sur l'année, hein, c'est pas en été, ça apporte autant plus d'énergie que la production d'électricité d'une année de la centrale de Gravelines, qui est la plus grosse centrale nucléaire d'Europe. Donc tout ça pour vous montrer qu'il suffit de prélever quelques pourcents de cette énergie solaire pour satisfaire nos besoins. Et donc, on a, dans le scénario, par exemple, on a estimé que pour satisfaire nos besoins en 2050 avec le photovoltaïque, il fallait qu'on déploie à peu près 7% des surfaces artificialisées, hein, qui sont une toute petite partie du territoire. Donc, 7% des toits, des parkings, etc., avec du photovoltaïque, c'est des choses qui sont tout à fait accessibles. On n'est pas obligé de recouvrir des champs de panneaux photovoltaïques. Est-ce que ça voudra dire que la totalité de ces énergies alternatives produites, ça va répondre aux besoins des particuliers et des entreprises ? Oui, effectivement, en 2050, dans notre scénario, on arrive à produire 100% de notre énergie renouvelable. Alors, on a conservé dans notre estimation des centrales thermiques au gaz naturel pour permettre de faire face à quelques dizaines ou centaines d'heures par an où on aurait vraiment un empilement de mauvaises conditions météo, deux pas de vent, pas de soleil et puis une forte consommation. Mais faut savoir qu'en multipliant les diverses sources de production, ce qu'on appelle le foisonnement en fait, donc répartition à la fois géographique différente, ce qui est intéressant d'avoir à la fois des éoliennes dans la Vénois, dans le Boulonnais et en mer du Nord, et aussi différentes sources d'énergie, donc éolien, photovoltaïque. J'en ai pas parlé aussi, mais quelques centrales cogénération au biogaz et au bois, qui elles, vu que c'est des types d'énergie qui peuvent être stockés, hein, le bois facilement, le gaz aussi, puisque dans les réseaux de gaz, on peut stocker plus facilement que l'électricité, donne encore une flexibilité au système. Et ça nous paraît tout à fait envisageable d'assurer la consommation domestique et industrielle de la région. Et ce projet de éolienne marine, sous-marine, dans mer du Nord, j'aimerais bien que vous puissiez en parler. Donc ça, c'est complètement autre chose. C'est ce qu'on appelle des hydroliennes. Donc c'est venir récupérer l'énergie des courants marins qui sont dus aux marées. Alors nous, dans notre scénario, vu qu'on n'a pas voulu faire de pari technologique, on s'est basé vraiment sur des technologies qui marchaient à l'époque où on a fait le scénario. Ces énergies étaient en étude, pas vraiment encore au stade industriel, donc on ne les a pas considérées. Bien sûr, c'est en train de se développer, ça a l'air d'être prometteur, donc effectivement, on pourrait très bien imaginer d'avoir un mix éolien offshore, hydrolienne, etc. Mais pour l'instant, on n'a pas jugé nécessaire d'en avoir un développement important. Au sujet des centrales à bois, le bois proviendrait de la région ou devrait être importé ? Alors, ça, c'est une bonne question. Effectivement, quand on a regardé ce gisement de bois, effectivement, on voit que la région Nord-Pas-de-Calais est la région la moins productrice de bois de France. Elle a perdu beaucoup de ses surfaces forestières. Et alors, on a essayé de voir comment pouvait, d'une part, augmenter ce gisement. Alors, il faut savoir qu'il y a un plan forêt dans la région. Hein, donc, le but, c'est vraiment d'augmenter les surfaces de forêt. Mais il y a aussi d'autres gisements hein, qui peuvent être de faire de l'agroforesterie en plantant aussi des arbres dans les champs, de remettre en place des systèmes de haies autour des champs qui ont à la fois un aspect intéressant pour l'agriculture biologique, la biodiversité et aussi de la production de bois énergie. Et tout ça montre qu'en fait, on peut satisfaire nos besoins pour le chauffage des bâtiments avec ce bois-là. Par contre, ce que je n'ai pas eu le temps d'aborder tout à l'heure, c'est que dans le Nord-Pas-de-Calais, on a une industrie particulière qui sont les aciéries, les hauts fourneaux de Dunkerque, qui émettent un tiers des émissions de gaz à effet de serre de la région et qui consomment une énergie très importante du charbon. Et dans notre étude, en conservant ces hauts fourneaux, même si on les réduit un peu leur capacité, puisqu'on considère qu'on va plus recycler l'acier, donc avoir des aciéries électriques, on considère néanmoins qu'on va remplacer une partie du charbon qui est utilisé dans ces hauts fourneaux par du charbon de bois. Et donc pour cette partie-là, dans le scénario, on a malheureusement été obligé de considérer de l'importation de bois, qui pourra se faire d'autres régions françaises. Mais d'un autre côté, on produit un tiers de l'acier français. Donc on peut aussi demander en soutien du bois d'autres régions françaises ou européennes. Et puis la France est une région forestière. Tout à fait. Donc on a, je résume, on a diminution de consommation par une meilleure une sobriété de consommation, de l'énergie renouvelable et du recyclage donc du coup. Oui, c'est un point d'ailleurs que... Enfin, deux choses que je voulais dire. Effectivement, sur ce volet recyclage au sein de l'industrie, tout ce qui est acier, papier, etc., c'est quelque chose que, 4 ans après, on se rend compte qu'on pourrait pousser encore plus fortement. Il y a des études nationales qui viennent de sortir, Negawatt, etc., WWF, qui viennent de montrer qu'on peut aller plus loin. Et puis, dernier point, dans notre étude, on s'est bridé un peu sur le volet sobriété, c'est-à-dire que on démarrait notre étude, on voulait avoir se faire écouter un peu par les institutions. Et donc, on avait décidé de partir sur des hypothèses de projection assez conservatrices avec des taux de croissance importants, etc. 4 ans après, il n'y a plus de tabou, on peut commencer à parler de décroissance, etc. Et donc, là, on a décidé de se remettre au travail. Et cette année, on engage un travail important sur le volet sobriété. Donc, réfléchir à la fois sociologiquement, qu'est-ce que ça veut dire, que ce n'est pas tirer un trait sur le progrès, etc. Et puis, deuxièmement, essayer de chiffrer et de voir comment on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on a sorti là dans cette première étude, d'aller plus vite, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que le facteur K divisé par 4, les gaz à effet de serre, le GIEC nous dit aujourd'hui que ce n'est pas suffisant, il faut aller plus loin, parce que sinon, on va y avoir un réchauffement. Et puis, utiliser éventuellement moins de technologies, moins d'investissements et faire plus de transformation du mode de vie. Voilà, bien intéressant débat sur les énergies et sur le fait qu'on peut quitter le nucléaire. On va le dire un peu plus fort encore, on peut quitter le nucléaire. J'espère que nos candidats au présidentiel l'entendront. Et puis j'entends une chose supplémentaire qui n'a pas été dite, mais on n'est pas proche de Jean Gadret pour rien. Apparemment, il y a de l'emploi avec les nouvelles énergies. Et je pense que ce sera une fin pour aujourd'hui. Voilà, donc vous êtes toujours sur 106,6. On passe à nos lectures. Je crois que Germain a quelque chose sous la main. Oui, un livre pour comprendre comment l'Europe en est arrivée là. C'est « L'Europe sociale n'aura pas lieu ». Un récapitulatif de 50 ans de manœuvres politiques qui débute avec le retour de l'Allemagne dans le commerce international. L'usage d'un vocabulaire avantageux comme construction européenne pour en fait désigner le rétablissement du libre-échange, des projets conservateurs portés par des élites, parmi lesquels Jean Monnet, Friedrich Hayek, Maurice Allais ou encore Milton Friedman, la mise en place du GATT de l'OCDE et la Commission européenne, la phase de l'Europe fédérale portée en France par les grands chefs d'entreprise et en politique par Raymond Barre ou Jacques Delors, un terrain favorable avec des personnes comme Thatcher et Reagan. Et le dernier épisode en date, le TCE, suivi de Lisbonne. Toute cette intrigue finement nouée pour comprendre pourquoi le social se retrouve être la dernière des priorités. C'est pas facile, ce sont des épisodes à rebondissement, ce livre vous aidera à y voir plus clair. Donc c'est « L'Europe sociale n'aura pas lieu » aux éditions Raison d'agir, par François Denord et Antoine Schwartz. 7 €, 120 pages, c'est un tout petit livre. Merci Germain. Encore plus petit livre, un livre de 52 pages de Pierre-Alain Muet. « Taxer les transactions financières », c'est aux éditions Jean Jaurès, et ça coûte 6 euros. Vous imaginez bien qu'un tel titre, « Taxer les transactions financières », ne pouvait pas laisser indifférent un militant d'attaque. Voilà, l'auteur quand même un mot, Pierre-Alain Muet, était professeur à Sciences Po, professeur à Polytechnique et même directeur de l'Office français des conjonctures économiques. Il est actuellement député PS de Lyon, et il laisse quand même la part belle au Parti Socialiste dans cette histoire. Le bouquin, il est bien fait. Il est clair, heureusement, d'ailleurs pour 50 pages, c'est un peu dommage, avec un plan simple qui permet de suivre les avantages de la taxation des transactions financières, qu'il appelle les avantages des dividendes, d'ailleurs. Je trouve ça assez marrant. Les avantages ou les dividendes, c'est réduire la spéculation, contribuer à la régulation financière, et puis il pose la question des taux. On apprend aussi que c'est Mitterrand qui est le premier à parler de la taxation des transactions financières en 1995, relayé par Jospin, premier ministre de Chirac. L'ex-patron du FMI devait regarder ailleurs à cette époque, puisque cette idée de taxation des transactions financières a été gentiment refoulée par les sbires du FMI lors de la visite des ONG en 2008 au Fonds monétaire international. 2008, c'est aussi l'année où François Fillon a supprimé l'impôt de bourse en France, impôt centenaire qui est supérieur aux actuelles propositions du Parlement européen. Parce que, bien sûr, c'est le PS et le SPD, son homologue allemand, qui ont tout fait pour la taxe des transactions financières. Voilà pour nos ouvrages. Antoine, tu vas nous parler des rendez-vous d'Antoine, pour conclure. Eh bien, dès demain, sur le même sujet du nucléaire, et organiser un état des lieux et perspectives pour un après-nucléaire en France et en Belgique, cela se déroulera dans la ville belge de Tournai, à 20 minutes en voiture, au foyer Saint-Brice, situé au 53 rue du Quesnoy, donc le vendredi 17 février à 20h. Toujours sur le nucléaire, se créera une chaîne humaine pour sortir du nucléaire de Lyon à Avignon le dimanche 11 mars, avec comme slogan « Le nucléaire, c'est déjà hier, vive la transition énergétique ». Pour en savoir plus, contactez la commission réaction en chaîne humaine au sein du comité local de sortie du nucléaire par téléphone au 07 77 20 27 71 ou par internet, le site étant chainehumaine.org, son adresse électronique étant contact@chainehumaine.org. L'ère post-nucléaire est l'une des revendications à laquelle aspire le mouvement écologique de la même manière que les différentes formes de vie post-capitaliste. Ce sera justement le thème des Sentiers de l'Utopie, documentaire de près de 3 heures projeté au cinéma L'Univers, rue Danton à Lille, le vendredi 24 février à partir de 19h30. Organisé par le collectif Chiche Lille, une discussion en présence des auteurs-réalisateurs complétera cette soirée. Signalons que seront organisées 2 soirées préélectorales à la salle du gymnase, place Sébastopol à Lille, toutes les 2 de 19h à 21h, la première se tenant le mardi 21 février, la seconde le jeudi 15 mars suivant. Entre-temps, et à l'initiative du collectif pour des assises citoyennes de la dette publique, Thomas Coutreau et Laurent Cordonnier, tous les 2 d'Attaque et économistes atterrés, ainsi que Jean Gadret, d'Attaque Villeneuve-d'Ascq et ex-professeur d'économie, débattront sur le thème « Leur dette, notre démocratie ». Ce sera à l'Institut d'études politiques, rue de Trévise à Lille, le mercredi 22 février à 18h. À ce sujet, eurent lieu déjà 2 réunions relatives à ces assises citoyennes à Lille. Une 3e réunion à propos de l'audit citoyen des dettes publiques se tiendra à la Maison régionale de l'environnement et des solidarités, rue Gosselet à Lille, le mardi 21 février à 18h30. Nous préparerons ensemble la session citoyenne intitulée « Comment sortir du piège de la dette ?» qui se déroulera tout l'après-midi du samedi 17 mars prochain à la Maison d'éducation permanente, place Georges Lyon, à Lille. Je vous en reparlerai plus en détail lors de la prochaine émission d'Angle d'Attaque sur Radio Campus le jeudi 15 mars, toujours de 19h à 20h. Signalons la prochaine assemblée militante d'Attaque Lille à la Mresse, rue Gosselet à Lille, le lundi 20 février à 19h30. En attendant, ce calendrier militant peut toujours être retrouvé sur notre blog www.attaquelille.over-blog.com. À bientôt. Donc à bientôt, bonsoir à tous. N'oublions pas que le prochain thème, c'est toujours un thème central dans les élections présidentielles, le thème de la dette.